Chanteur, souffleur, portier, pompier, plombier, laitier, banquier, barbier, boucher, bottier, dentier, chimiste, athlète, poète. Dam dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil dalil de faire, on ne touche mais à faire, pour savoir que l'on parle parfois, sans avoir résonné dans les lignes. Je voudrais pouvoir parler dans toutes les langues, celles du ciel et de la terre et des enfers, pour que la fadelle des nations tombe à terre, et qu'on branche toutes nos voix sur le même ton. Il y a des fois qu'on dit rien dans une tempête de mouille, il y a d'autres fois qu'on dit tout dans la pluie. Un silence où l'on rejoint le nom par la voix de la vie dans le cœur. Notre lumière, notre cœur serré entre nos dents, comme une bombe d'amour à retardement, qui va sonner dans la face de tout le monde le jour où l'on se branche sur le soleil. Boulanger, jardinier, cordonnier, épicier, menuisier, policier, journaliste, urbaniste, machiniste, sociologue, bricologue, neurologue, géologue, débardeur, balayeur, embaumeur, technicien, comédien, musicien. Quand on sera tous d'accord pour s'embrasser, en plein milieu de la rue, n'importe quand, on pourra se parler dans le creux de l'oreille, apprendre la note de l'autre en harmonie. Dans notre unique oreille, toutes les voix de la terre chanteront, toutes les paroles du monde se fondront dans l'écho de la joie. Avoir la bouche comme un canon, faire l'amour nu sur les champs de bataille, tomber de tendresse dans un champ de pauvre, ne plus arroser les fleurs des jardins, avec le sang des victimes innocentes, la terre est à tout le monde et toutes les hommes, on le sent doux du soleil dans leur veille. Médecin, mannequin, disquaire, notaire, ménagère, infirmière, anthropologue, archéologue, cardiologue, criminologue, électricien, mécanicien, radiologiste, téléphoniste, mathématicien. tout le monde, toutes les hormones, ça rouge et la vie ne meurt pas. Toutes les vies de la terre ont une seule vie, c'est la vie, toute la vie, seule vie, toute la vie, c'est la vie, toute la vie, seule vie, toute la vie, c'est la seule vie. Excusez-le. Tindilidam dam, la scole.